Troisième partie, chapitre 1er. Le Maroc à l'époque actuelle, 1860. Relation de James Richardson. Feu James Richardson, qui mourut en 1851 sur les frontières du Bornou, où il se rendait chargé d'une mission du gouvernement anglais auprès des rois et chefs du Soudan, avait essayé, peu avant son départ pour l'Afrique centrale, de pénétrer à la cour de Maroc et de gagner le sultan Abderrahman à la cause qui fut celle de toute sa vie, l'abolition de la traite des Noirs, par la fermeture des marchés de la côte d'Afrique à toute caravane amenant des esclaves de l'intérieur du continent. Inutile de dire qu'il échoua, et qu'il devait échouer dans cette tentative philanthropique. Mais les notes qu'il a laissées sur son excursion au Maroc viennent d'être réunies et publiées par sa veuve. Elles forment deux volumes dont nous extrayons les détails suivants. Il y a deux entrées au port de Mogador, l'une au sud, bien ouverte, l'autre au nord-ouest, passage étroit, à peine assez large pour un navire de guerre. C'est dans ce détroit, dont le fond est de roche, où les courants sont d'une violence extrême, que le Suffren s'embossa lors du bombardement de Mogador par le prince de Joinville. Un bateau mort vint me prendre à bord, malgré le mauvais temps. Qu'est-ce qu'un bateau mort ? Une longue coquille de planches mal jointes ayant autant forme de canot qu'un tronc d'arbre creusé au feu. Pour aviron, les matelots se servent d'un long bâton. L'empereur a tout au plus trois frégates mal armées et pas un capitaine capable de conduire un navire de Mogador à Gibraltar. Voilà tout ce qu'il reste de ces audacieux pirates de Salé qui poussèrent l'insolence, il n'y a que quelques siècles encore, jusqu'à venir défier la flotte anglaise dans la Manche. La manière de ramer vaut la peine d'être racontée. Le reis mort, à la barre, crie au rameur la première chose qui lui passe par la tête. Les marins la répètent en chœur. « Kobach, un pain !» crie le reis. « Un pain !» répètent les rameurs. « Vous aurez un pain à votre retour !»« Nous aurons du pain à notre retour !»« Ferme, ferme, Dieu vous entend, Dieu vous voit !»« Ferme, ferme, Dieu nous voit, Dieu nous entend !» Et des sucreries, de par Dieu, vous en aurez aussi, seulement ferme, tenez ferme sur les rames, vocifère le raïs. Nous aurons des sucreries, Dieu merci, nous en aurons, merci à Dieu, hurlent tous ensemble les matelots. Et c'est avec l'accompagnement de ce chœur primitif, sinon antique, que nous mîmes 3 heures à faire 3000. C'est d'ailleurs la coutume des morts et surtout des nègres de s'égosiller de la sorte pour s'encourager au travail. Il n'y a point de phare pour guider le navigateur qui cherche l'entrée du mouillage de Mogador. Les autorités du port n'hésitent jamais à déclarer que ce sera aller contre les décrets de Dieu que d'en élever sur ces côtes dangereuses. Et les impudents naufrageurs de ces rivages affirment effrontément qu'un naufrage est une berka, une bénédiction que leur envoie la Providence. Une fois, cependant, par un temps épouvantable, le consul anglais, M. Wilshire, put obtenir par d'énergiques réclamations que le gouverneur de Mogador envoya des soldats pour protéger les navires et les équipages qui pourraient venir à la côte. Les naufrageurs morts, il faut l'avouer, avaient naguère encore des imitateurs en France et en Angleterre. Le nom européen de Mogador dérive, dit-on, de Saint-Maur, Mogdoul ou Modougoul. Les habitants, qui sont très fiers de leur ville, l'appellent Chauvera, c'est-à-dire carré. Elle a pourtant la forme d'un triangle. C'est une cité toute moderne, car elle ne date que de 1760. Elle fut construite par un ingénieur français, Cornu, sous le règne de Sidi Mohamed. Cette ville est bâtie sur une plage de sable à fond rocheux. Ses maisons sont régulières, ses rues droites, très commodes, bien qu'un peu étroites. Elle se divise en deux quartiers, l'un qui renferme la citadelle, les établissements publics, le palais du gouverneur et les résidences des consuls et des marchands européens. Ce quartier est la propriété de l'empereur. L'autre partie de la ville est habitée par les morts et les juifs qui ont un quartier spécial, villa, que la police ferme la nuit. Mogador a pour enceinte des murs qui ne sont ni élevés ni très forts, mais suffisent pour la protéger contre les attaques des montagnards ou des arabes de la plaine. La population est de 13 000 à 15 000 âmes, y compris 4 000 juifs et 50 chrétiens. Le port est formé par une baie que ferme l'île de Mogador, éloignée de la terre d'environ 2 000. Cette île renferme quelques fortins et une mosquée dont le minaret étincelle au soleil. On sait que les Français s'en emparèrent facilement le 15 août 1844. Mogador est entouré de dunes mobiles qui offrent un aspect étrange quand on arrive de l'intérieur. On dirait d'immenses batteries pyramidales construites pour défendre les approches de la ville. Une petite rivière alimente l'aqueduc qui fournit de l'eau aux habitants. Le climat est très sain. Pas de basse terre, pas de marées qui exhalent les fièvres avec leurs miasmes pestilentiels. Il pleut rarement. Mais la chaîne de l'Atlas d'un côté et les brises de mer de l'autre tempèrent beaucoup la sécheresse. Les environs ne sont que sable désolé. Ça et là, on voit des jardins où croissent quelques légumes et de rares fleurs. Tout cela pousse au milieu du sable et montre ce que peut faire le travail de l'homme même dans un pays aussi stérile. Mon arrivée ne tarda pas à faire du bruit en ville, et bientôt j'eus beaucoup de visiteurs morts, dont un grand nombre étaient officiers de l'armée impériale. Je fis connaissance de l'un d'eux, Sidi Ali, avec lequel, dans une heure de confiance et d'intimité, j'eus la conversation suivante. Sidi Ali, que puis-je faire pour disposer en ma faveur, me l'est Abderrahman. Sidi, de l'argent. Est-ce que l'émir des shérifs recevrait de l'argent d'un chrétien? De l'argent, vous dis-je. Que faudra-t-il que je donne aussi au ministre Bendris pour me le rendre favorable? De l'argent. Et pour voyager en sûreté dans le Maroc? De l'argent. Il semble en vérité qu'au Maroc, l'argent soit tout aussi puissant que dans notre nation de boutiquiers. L'empereur donne l'exemple car il passe tout son temps à thésauriser un Mekinès. Voici ce que me dit à ce sujet un vieux mort plus communicatif que la plupart de ses compatriotes. « Que puis-je faire, me demanda-t-il, pour vous, étrangers, qui êtes si bon pour moi, et qui, chaque fois que je viens vous voir, me donnez abondance de thé sucré? Que puis-je faire pour vous dans mon pays? Dites-moi comment je dois m'y prendre pour réussir dans ma mission. Que faire pour arriver à être représenté à Mulet Abderrahman? Je vais vous parler franchement. Prenez d'abord beaucoup d'argent. Tout le monde ici aime l'argent. Sans argent, vous ne ferez rien. Mulet Abderrahman aime l'argent, et il lui en faut. Le ministre aime l'argent, vous ne devez pas l'oublier. Le ministre est la porte par laquelle on arrive à l'empereur. Vous ne pouvez entrer dans la maison que par la porte. Hors des villes, l'empereur n'a aucun pouvoir. Ainsi donc, quand vous voyagerez, n'oubliez pas de donner de l'argent. Cet aveu de la vénalité du pouvoir suprême et de ses fonctionnaires me rappela ce que j'avais été à même de constater à Tanger. Dans cette place si voisine de l'Europe, les capitaines qui commandent les petits navires servant à transporter le bétail à Gibraltar racontent de singulières histoires à ce sujet. Le gouvernement ne permet l'exportation que d'un certain nombre de têtes de bétail qui sont frappées d'un droit minime. L'agent anglais vient à Tanger, et au moment de l'embarquement des animaux, le dialogue suivant a généralement lieu. L'agent : comptez le bétail. Le capitaine de port : 1, 2, 3, 30, 40. « Ah, arrêtez, arrêtez, il y en a trop !» L'agent : « Non, imbécile, il n'y en a que 30. » Le capitaine de port : « Vous mentez, il y en a 40. » L'agent, mettant 3 ou 4 dollars dans la main du capitaine de port : « Il n'y en a que 30, vous dis-je. » Le capitaine de port : « C'est vrai, vous avez raison, il n'y en a que 30. » Ainsi, au Maroc, tout est à l'encan, hommes et choses, position et conscience, gouvernants et gouvernés. J'étais, depuis peu de jours, à Mogador, quand on vint m'apprendre que les provinces de Chedma et de Haha, que je devais traverser, étaient en guerre ouverte. Ces districts entourent Mogador. La ville elle-même est dans le Haha. Chedma est tout entière composée de plaines et basses terres, et Haha, au contraire, n'a que de hautes terres et des montagnes. C'est un rameau de la chaîne sud-ouest de l'Atlas qui vient se terminer sur les bords de l'océan à Santa Cruz. La seule cause des hostilités continuelles qui existent entre ces deux provinces semble ne tenir qu'à la nature du sol. Les légendes murmurent des vengeances. Elles disent que sous le règne de Moulay Suleyman, les gens de Haha étaient en prière à Mogador. Les habitants de Chedma les attaquèrent. Entrant dans les mosquées et pillant les maisons, ils les massacrèrent pendant qu'ils se livraient à cet acte de désinvolture sacrée qui les rendait inviolables. Telle est la cause de cette haine implacable qui durera sans doute pendant plusieurs générations. Je tiens cette histoire, il est vrai, d'un habitant du Haha, et je ne doute pas que les gens de Chedma ne m'eussent donné de fort plausibles raisons pour expliquer leur agression. Les tribus du Haha et du Chedma sont voisines et se battent avec la férocité habituelle au pays marche. L'empereur les laisse faire, les regarde d'un air superbe et serein. Mais dès que les combattants sont épuisés et n'en peuvent plus, il intervient et inflige des amendes aux deux tribus. C'est ainsi que le sultan, au lieu de dépenser de l'argent à apaiser les querelles de ses sujets, en gagne en frappant d'impôts ceux qui sont en guerre. Il s'est changé aussi en source de profit les différends qui s'élèvent fréquemment entre les consuls étrangers et ses propres sujets. À tant d'exemples de l'avidité et de l'inintelligente tyrannie du gouvernement marocain, qu'il me soit permis d'ajouter le témoignage de M. J. Drummond Hay, qui, il y a peu d'années, fit un voyage à Tanger, sur les bords du Loukos, le Lixus des anciens, à la recherche d'un cheval barbe pur sang, digne d'être offert à la reine d'Angleterre. Il ne put remplir l'objet de sa mission, et cela à cause de ce même système régnant de concussion et de vénalité dont nous venons de crayonner tant de preuves. Le cheikh de la tribu d'Ibdoua, auquel j'étais adressé par le pacha de Larache, pouvait, dit M. Drummond, me seconder mieux que personne dans le choix et l'achat d'une monture pur sang, de la plus belle race. Ce cheikh était un homme âgé, vêtu d'un caftan de belle étoffe et d'un caïc de laine indigène d'une éclatante blancheur. Assis à l'ombre de son toit de chaume, qui dépassait de quelques pieds les murs de sa demeure, il nous regardait approcher avec un sang-froid tout musulman, sans s'émouvoir ou s'étonner de notre visite. À quelque distance de lui, j'arrêtai mon cheval, et le caïd ou chef de notre escorte prit les devants. Ayant respectueusement salué le cheikh, il tira de son sein la dépêche du pacha, la baisa et la lui remit. Le cheikh en examina le sceau, et l'ayant porté préalablement de ses lèvres à son front, il l'ouvrit. Il s'interrompit plus d'une fois dans sa lecture pour jeter de mon côté des regards scrutateurs, paraissant réfléchir profondément et se demander quelle secrète interprétation il pouvait donner à une pareille mission et quelles affaires de haute politique se cachaient sous une si simple requête. Dès que je pus le croire au bout de sa lecture et de ses commentaires, je mis pied à terre et l'accostai avec force Salem. Il se leva en s'écriant « Sois le bienvenu, ô Nazaréen !» Je jure sur ma tête de te servir. Les ordres du pacha, mon maître, m'y obligent. Et puis les Anglais sont des hommes honorables, amis des musulmans. Mais je crains bien, jeune homme, que tu ne réussisses pas à trouver dans tout le canton l'animal que tu cherches. Et où le trouverai-je donc, ô le meilleur de mes amis, répliquai-je, si ce n'est à Ibdoua. Écoute et comprends, dit-il. Nous nous sommes vantés de nourrir le plus pur sang de tout le pays. Les soins que chaque homme de ma tribu avait pour sa cavale égalaient ceux d'une mère pour son enfant. Jamais il ne la perdait de vue. Entendait-il parler d'un étalon fameux? Fût-il aux confins du désert dessous, il y conduisait sa jument. Mais le jour d'affliction nous est venu. Les seuls témoins qui restent de notre ancienne gloire sont quelques maigres juments au hordage. Elles sont indignes de toi. Vois, dit-il, leur progéniture dégénérée. « Regarde ces poulains que mène mon esclave, ce ne sont pas des chevaux, ce sont des bêtes de somme. »« Pourquoi cet abandon de vos intérêts ?» lui observai-je. Le vieil éleveur regarda notre caïd et tous deux secourent la tête en soupirant. « Il n'y a plus de garantie pour la propriété, » me répondit-il. « Si un bédouin possède un beau cheval, que le sultan l'apprenne, l'animal est aussitôt saisi, et son propriétaire ne reçoit ni paiement ni récompense. »« Dure condition que la vôtre, » lui dis-je. « Dure !» répondit le bédouin. « Vois ces cicatrices profondes à mes chevilles. Vois où le fer est entré dans les chairs. Pendant 7 longues années, j'étais en prison. Et pourquoi? N'étais-je pas renommé pour l'hospitalité dont je faisais preuve à Ibdoua? Ne faisais-je pas de magnifiques présents au caïd, au bacha, au sultan? Mais qu'importe tout cela? J'étais riche, et dans ce pays de tyrannie, c'est un crime. Combien d'autres que moi, hélas, ont souffert pour la même raison? On a eu de plus horribles tortures pour arracher aux gens l'aveu de leur richesse. Tantôt on met la victime dans un four lentement chauffé, tantôt on la tient debout des semaines entières dans d'étroites boîtes de bois. On lui enfonce des chevilles sous les ongles, ou bien on met des chats furieux dans ses larges pantalons. On tord le sein des femmes avec des tenailles. Souvent de jeunes enfants, serrés dans les bras d'un homme vigoureux, ont été étouffés sous les yeux de leurs parents. Un riche marchand de Tanger, que l'amour de l'or avait fait résister à toutes les tortures, succomba devant l'épreuve suivante. On le plaça dans le coin d'une chambre avec un lion affamé, enchaîné de manière à pouvoir le déchirer avec ses griffes, s'il ne se tenait pas dans une position des plus difficiles et des plus pénibles. Tels sont, au Maroc, les procédés du fisc. C'est à ce prix que s'est formé ce fameux trésor de Mekinès, sur lequel comptent les sultans chérifiens pour régler, sans perte de territoire, leur compte avec l'Espagne victorieuse. Mais revenons aux notes de Richardson.